Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le moment de passer une demi-heure ensemble à écouter du disco et du funk. On démarre avec la découverte du jour. Le groupe Central Line, c'est un des meilleurs groupes soul en Angleterre durant les années 80. Il est composé de 4 membres. Alors ils sont signés d'abord par le label Mercury en 1980, où ils vont réaliser leurs deux premiers opus sur un unique maxi. Suivra ensuite leurs deux albums Breaking Point en 1981, et Choice en 1983. Alors il est à noter que leur style légendaire très clubbing, avec des mélodies efficaces, est déjà très présent dans les années 80 avec leur premier single You Know You Can Do It. Le groupe y va éclater au grand public avec le magistral Walking Into Sunshine qui se classe dans les charts anglais et qui deviendra très rapidement un succès planétaire. Par contre, leurs deux albums, pourtant très efficaces, n'ont pas le même succès auprès des masses que les maxi. Le groupe va se séparer en 1983, mais il reste une référence incontournable pour les collectionneurs de funk music. On va écouter Time for Some Fun, et je dédicace ce morceau à toi, Steph, le Garnes. For you to ease your mind with all the pleasure. Gadget, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Les 100 hits qui ont fait le disco, c'est maintenant. Le rêve américain de Jack Morali et Henri Bellolo commence en 1975, lorsque Morali émet l'idée à son complice, la reprise disco du standard brésilien Aquarela do Brasil. Il va travailler avec l'arrangeur Richie Rome, et Brasil sort sous le nom de Richie Family, en hommage à Rome. Il s'agit d'un groupe créé à partir de choristes de studio. L'année suivante, c'est The Best Disco in Town qui sort. Le titre y va rendre hommage à la fois à la Motown, à la Philadelphia Soul et au 8 disco du moment. Il s'agit d'un medley composé des titres suivants. Reach Out, I'll Be There, I Love Music, Bad Luck, Fly Robin Fly, Love to Love You Baby, That's the Way I Like It, Lady Bump et Lady Marmalade. Que des gros tubes. Morali et Bellolo frappent fort en alliant les forces du disco, ça c'est clair. Le medley, il va se classer numéro 1 du top disco et il va aussi inspirer Chalamar pour son Uptown Festival. Morali et Bellolo n'en sont qu'aux prémices d'une carrière qui va exploser peu après avec les Village People. Vous vous souvenez de la semaine dernière ? La suite, c'est avec Donna Summer. On poursuit notre écoute des 100 meilleurs albums de Disco Funk. On va justement écouter le titre qui a donné son nom à l'album, Bad Girl. C'est le second extrait de l'album. La chanson, c'est un titre disco aux influences un peu pop. L'inspiration de la chanson est venue après que l'une des assistantes de Donna, ait été offensée par un policier qui pensait qu'elle était une prostituée. Charmant, n'est-ce pas ? Une version grossière de la chanson est initialement écrite quelques années avant sa sortie. Le fondateur du label, Casablanca Records, souhaite alors que Donna donne la chanson à Cher, pour son prochain album bien sûr. Mais Donna, elle va refuser, elle n'est pas d'accord. Elle est laissée de côté pendant 2 ans, la chanson « Pas Donna », avant qu'un ingénieur de Rush Studio ne découvre le morceau et n'aide Donna à le terminer. Neil, le PDG de Casablanca Records, accepte finalement sa sortie et ça donnait ça. You're bad girl, you're pour le maxi. Direction le début des années 80 avec Tomorrow's Edition et son titre Part-Time Love. Paru en 1982, il est extrait de l'album A Song for Everyone. Le titre a toute sa place dans notre émission, tellement il est entraînant. Je dois vous l'avouer, je suis tombé dessus par hasard, et décidément, le hasard fait bien les choses. Et bien après le Garns, et ben c'est à Saba que je dédie cet extrait. Alors on se dirige vers la fin de notre émission, mais avant il y a la pépite. Je vais vous proposer d'écouter les Jackson 5 et leur titre Keep On Dancing, paru en 1976. C'est le quatrième album, non pas le quatrième album, mais le quatrième extrait de l'album, The Jackson. Le titre aura droit à une version plus disco, mais uniquement parue aux Pays-Bas. Il illustre aussi la première apparition du groupe à la télévision française, souvenez-vous, pour les plus anciens, c'était chez les Carpentiers. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine, je vous dis bye bye sur les Jackson 5. C'était en 1977 et ça donnait ça. We'll be right back.